Chapitre 15. Nous arrivâmes à l'hôtel. Adélaïde et le baron montaient déjà le grand escalier. Monsieur du Portail courut à eux, croyant que j'allais le suivre. Je dis adieu à Rosenberg. « Comment? Où allez-vous donc ?»« Chez Durneval. Mon ami, occupez-vous des soins que la circonstance exige. Songez à assurer notre fuite. »« Mais ne vous verra-t-on pas dans la soirée ?»« Je ne puis répondre de rien. » Peut-être ne serai-je ici que demain à 4 heures du matin. Je m'éloignai au moment où M. du Portail revenait sur ses pas pour me chercher. J'entrai chez Durneval d'un air si effaré que d'abord il me demanda quel malheur m'était arrivé. Mon ami, j'ai demain une affaire d'honneur. Demain je meurs ou Sophie quitte la France avec moi. Il faut que la chaise de poste dans laquelle vous devez enlever Dorothée emporte aussi Mademoiselle de Pontis. Durneval ne fut pas médiocrement surpris. Nous nous occupâmes le reste de la journée des préparatifs de toute espèce que nécessitait notre grande entreprise. J'aurais pu, dans la soirée, passer un moment à l'hôtel, mais je craignis que le baron ne m'y retînt. Un peu avant minuit, je cachai mon épée sous un ample manteau. Durneval prit la même précaution. Nous sortîmes, accompagnés de 3 domestiques, dont mon ami me garantissait la bravoure et la fidélité. Arrivés sous les murs du couvent, nous jetâmes dans le jardin un gros paquet qui contenait tout ce qu'il faut pour habiller 2 hommes de la tête aux pieds, et dès que notre échelle de corde fut attachée, nous ordonnâmes à 2 de nos domestiques de faire sentinelle à distance et au 3e de s'en aller pour nous amener notre chaise de poste à 4 heures précises. Nous descendîmes au jardin. Durneval et Dorothée me laissèrent sous l'allée couverte avec ma jolie cousine. Nous allâmes nous asseoir au pied de ce marronnier si propice aux amours. Je regardais Sophie sans rien lui dire, et j'arrosais ses mains de mes larmes. « Sophie, voici la dernière nuit que nous ayons à passer ensemble. Mon ami, passons-la de manière que nous n'ayons aucun reproche à nous faire demain. Demain ? Demain, nous gémirons séparés. Et cependant, Durneval et Dorothée seront sur la route d'Allemagne. De l'Allemagne ? Ils vont en Allemagne ? Oui, ma bien-aimée. Ils vont en Allemagne. Eh bien, mon cher Faublas, nous irons bientôt les rejoindre. Madame Munich m'assure que le baron de Gorlitz ne tardera pas à me venir chercher. Le baron de Gorlitz arrivera trop tard. Pourquoi trop tard? Sophie, le départ de Dorothée est le moindre malheur de nos amours soit menacé. Mais apprenez-moi donc, Faublas, ne m'avez-vous pas dit 100 fois qu'à l'arrivée du baron de Gorlitz, vous iriez vous jeter à ses pieds pour lui demander sa fille? En vain le baron de Gorlitz me l'accorderait-il, si mon père ne veut pas consentir à cet hymen. Mais votre père l'approuvera dès que le mien. Sophie, je ne dois pas vous abuser. Mon père me destine une autre femme. Une autre femme? Et c'est vous qui me l'annoncez? Cruel, je vous entends trop bien. Je suis sacrifié. Je suis sacrifié. Non, ma Sophie, non. Rassure-toi. Je te renouvelle ici mes serments 1000 fois répétés. Jamais une autre ne portera le nom de mon épouse, mais si tu n'es pas la mienne, n'en accuse que toi. Moi? Oui, cet hymen si désiré, tu n'as pas voulu le rendre nécessaire. Je ne vous entends pas. Ah, si, depuis 3 mois, moins rebelle aux yeux de ton amant. Mon cher Faublas, que me dites-vous? J'aurais présenté ma Sophie au baron de Faublas. Je lui aurais dit, elle a reçu ma foi, nos serments sont écrits dans le ciel, j'ai séduit sa faible jeunesse. Il ne lui manque que le titre de mon épouse. Non, non, jamais, je n'y consentirai jamais. Je fis d'inutiles efforts pour triompher de sa vertu. Désespéré d'une résistance opiniâtre qui ne me laissait aucun espoir, je me livrai à toute ma douleur. « Vos sanglots me déchirent le cœur, me dit Sophie. Mais qu'exigez-vous de moi? Je n'exige plus rien. Dans quel accablement je vous vois plonger, mon ami? Elle serra mes mains dans les siennes. Ma bien-aimée, mon âme est dévorée d'un noir chagrin. Mais ne croyez pas que ma raison s'altère. Sophie, je pleure maintenant. Bientôt, une affreuse nouvelle, répandue dans toute la ville, pénétrera jusque dans cette enceinte, et vos tardifs regrets ne vous rendront pas votre amant. Cruel, vous pourriez attenter à votre vie? Non, ça ne sera pas de ma main que partira le coup mortel. Sophie, si ma vie vous était chère, je la défendrais contre le marquis de B. « Grand Dieu, vous allez vous battre ?» Elle tomba en faiblesse. Je lui prodiguai les soins que la situation exigeait. mais dès qu'elle commença à reprendre ses esprits, je profitai de mes avantages avec une promptitude qui bientôt m'assura la victoire. 4 heures et les matines venaient de sonner quand Guernebal s'avança sous l'allée couverte. Je courus au-devant de lui. Il me dit que la chaise de poste était arrivée, que Dorothée, obligée de le quitter pour une demi-heure, rentrerait bientôt au jardin et ne mettrait pas beaucoup de temps à changer d'habit. Je l'interrompis pour le prier de s'éloigner. « Ma Sophie est à moi, lui dis-je. Il faut maintenant que je la détermine à partir. » Je retournai vers mon amante, et lui montrant les habits d'homme que j'avais apportés pour elle, je la conjurai de s'en vêtir et de laisser les siens. « Comment? Pourquoi ?»« Guernebal et Dorothée partent pour l'Allemagne. Ton cœur ne te dit-il pas que nous partons avec eux ?»« Moi? Je donnerai à mon père l'affreux chagrin ?»« Hélas, ne suis-je donc pas assez coupable ?»« Écoutez-moi, ma Sophie. » »« Non, je ne veux pas écouter. Non, cruel, vous m'avez perdu. Mon déshonneur était préparé. » Elle se jeta dans mes bras. « Faublas, maintenant tu peux tout sur ton épouse, mais prends pitié d'elle. N'abuse point de tes droits. Ne rends pas son déshonneur public. Sophie, il faut partir. Nous irons en Allemagne. Le baron de Gorlitz ne pourra te refuser à ton amant, et mon père confirmera mon bonheur. Ma chère Sophie, souffre que ton époux t'habille. » Les 3 quarts d'heure sonnent avant que Sophie soit entièrement travestie. Dorothée vient nous rejoindre. Guernebal, impatient, me représente qu'il ne faut pas que l'aurore le trouve dans la ville et que j'ai affaire à la porte Maillot. « Quoi? Nous ne partons pas tous 4 ensemble ?» s'écria Sophie. « Ma bien-aimée, l'honneur m'appelle. Je te laisse avec Dorothée. Je te remets sous la protection de Guernebal. Guernebal ne gagnera guère qu'un poste sur moi. Il doit m'attendre à Meaux. Dans 2 heures, je vous rejoins. » Sophie se jette dans mes bras. « Je ne vous quitte pas! Je ne vous quitte pas !» Guernebal frappe du pied. « Le brouillard nous favorise encore, dit-il, mais le jour va nous surprendre ici. » Je m'arrache des bras de Sophie. « Faublas, si vous me quittez, je ne partirai pas. » « Eh bien, Sophie, je ne te quitterai pas. Hâtons-nous de sortir d'ici. » Guernebal avait prévu que nos 2 amis auraient trop de peine à escalader le mur avec des échelles de cordes. Il s'était pourvu de 2 courtes échelles de bois. Dorothée, depuis longtemps préparée à son enlèvement, fut bientôt dans la rue. Mais Sophie serait tombée 20 fois si je ne l'avais suivie de près. Arrivée à la chaise de poste, elle voulut m'y voir monter le premier. « Mais Sophie, l'honneur m'appelle. L'honneur. Ne vous ai-je pas sacrifié le mien? Ingrat que vous êtes. Je ne vous quitte point. Vous ne vous battrez pas. Je ne veux pas que vous vous battiez. » Voilà ce qu'elle me disait quand j'entendis sonner 5 heures. Jamais situation ne fut plus cruelle que la mienne. Dans mon désespoir, je tire mon épée pour m'en frapper. Guernebal m'arrête. Sophie, tremblante, s'écrie. « Eh bien, je vous obéis, je pars. » Tandis qu'on la place près de Dorothée, je dis à Guernebal, « Il est 5 heures. S'il faut que je m'en aille à pied, j'arrive trop tard, je suis déshonoré. Je vais démonter un de vos 3 hommes. Qu'il se rende le plus vite qu'il pourra à l'hôtel, où je vais passer pour ordonner qu'on lui donne le cheval que sans doute on a préparé pour moi. » Sophie, presque mourante, se penche à la portière. « Mon ami, me dit-elle, du moins menez-moi sur le champ de bataille. Mes chers amis, ma Sophie, dans 2 heures je vous rejoins. » Je vis partir la chaise de poste et je gagnai au grand galop la rue de l'université. Jasmin m'attendait à la porte de l'hôtel. « Hâtez-vous, mon cher maître, hâtez-vous. Monsieur le baron vous a fait chercher de tous les côtés. Désespéré de votre absence, il s'est fait seller un cheval, il a pris son épée. Je crains bien qu'il ne soit allé se battre pour vous. Ah, mon Dieu !» Je partis ventre à terre, Jasmin galopait sur mes pas. « Monsieur, vous ne prenez donc pas votre bon coureur? Va-t'en au diable, retourne à l'hôtel. Un homme va venir te demander un cheval, donne-lui le mien. » Je poussais si vigoureusement celui que je montais qu'en peu de temps je découvris la porte Maillot. Bientôt j'aperçus le baron environné de plusieurs hommes. Au geste que je lui vis faire, je jugeai qu'il défiait le marquis. Il me parut que M. Duportail, Rosembert et les 2 parents de M. de B s'opposaient à ce combat. Dès qu'on me vit, on se sépara. « Monsieur, me dit le baron, vous arrivez trop tard. »« Trop tard, mon père, trop tard, sans doute, puisque vous alliez exposer vos jours. » M. de B m'interrompit. « S'il n'avait été question de faire la jolie femme, tu te serais levé matin. » « Viens donc, femmelette, lâche, perfide, ta mort va tout à l'heure venger mes affronts. » Nos épées se croisèrent. La grande supériorité que j'avais acquise dans l'art de l'escrime et le sang-froid que j'opposais à la fureur du marquis balançaient en ma faveur l'immense avantage que donnait à celui-ci une attaque sans danger. À la vue de mon ennemi, je m'étais rappelé mes torts envers lui. Et quoique excusable à bien des égards, je sentais que j'avais plus d'un reproche à me faire. Je ne pouvais me déterminer à menacer la vie d'un homme dont j'avais affligé l'amour-propre et compromis l'honneur. Content de parer ses coups, je le laissai se consumer en efforts inutiles et, me fiant absolument sur mon adresse, je me flattais que, bientôt épuisé de fatigue, il serait trop heureux de sauver ses jours en s'avouant vaincu. Mon espérance fut trompée. Mon père, demeuré spectateur d'un combat si affreux pour lui, se tenait à 10 pas de là. Je pouvais le voir suivre, d'un œil inquiet, le mouvement rapide de nos épées. Plus d'une fois, je crus qu'emporté par son impatience, il allait s'élancer dans la lice. Bientôt, il courut à un arbre prochain, et l'embrassant avec force, il s'y tint péniblement cramponné. Monsieur de B., la menace et l'injure à la bouche, ne cessait de provoquer ma colère et me pressait toujours avec une vigueur dont j'étais étonné. Il n'avait pu cependant me faire perdre un pouce de terrain. Et jusqu'alors, ma tranquille résistance n'avait fait qu'augmenter sa fureur. Tout à coup, maîtrisant les transports de sa rage, il me trompa par une feinte adroite. Je revins un peu tard à la parade. Le fer ennemi, trop légèrement écarté, glissa le long de ma poitrine, qui soudain se teignit de sang. Mon père jeta un cri d'effroi et tira son épée, mais aussitôt il s'arrêta et la brisa comme indigné. Puis levant les yeux au ciel, joignant ses mains et se jetant à genoux, « Oh ciel, ciel » s'écria-t-il, « Mon Dieu, ayez pitié de moi. Dieu tout-puissant, conservez-moi mon fils !» Je ne pus soutenir le spectacle déchirant du désespoir de mon père. Le marquis, à son tour vivement pressé, se défendit vaillamment, mais ne retarda que de quelques instants le coup fatal. Sa chute devait finir les mortelles anxiétés du baron. Cependant, je vis mon père tomber sur le gazon presque en même temps que mon ennemi. J'imaginais que le baron me croyait grièvement blessé. Je courus à lui, et découvrant ma poitrine, « Rassurez-vous, ce n'est qu'une légère meurtrissure !» Mon père, sans dire un seul mot, se releva, regarda ma blessure et la baisa. Je voulus me jeter dans ses bras, il me retint et me montra le champ de bataille. Je promenai mes regards autour de moi, je vis que l'un des parents du marquis était étendu sans mouvement et que l'autre faisait bander la plaie qu'il avait dans le flanc. Un chirurgien pansait Rosambert que soutenait monsieur du portail et plusieurs domestiques. « Nous avons fait coup pour coup, » me dit le comte, dès que je fus près de lui. Mon adversaire ne me paraît pas trop blessé, j'en suis bien aise, mais il m'a jeté par terre, j'en suis fâché. » Le baron ne tarda pas à nous rejoindre. Il entendit le chirurgien nous assurer que le comte n'était pas mortellement blessé, mais qu'il ne pouvait sans danger s'exposer aux fatigues d'un long voyage. « J'aurai soin de lui, » s'écria le baron, « sauvez-vous. »« Oui, sauvez-vous, » répéta Rosambert. « Allons, Faublas, embrassons-nous et va-t'en. » Mon père me tint longtemps pressé contre son sein. « Voilà une malheureuse affaire qui dérange nos projets, » dit-il à monsieur du portail. « Lovzinski, serre-lui de pair jusqu'à ce que je puisse vous aller trouver. Que je ne vous retienne plus, mes amis, partez. Voici d'excellents coureurs qui vous porteront en moins d'une heure à Bondy où vous trouverez une chaise. J'ai fait placer des relais à clé. Vous prendrez des chevaux de poste jusqu'à Meaux. Faites la plus grande diligence jusqu'à ce que vous soyez en sûreté. Ne vous arrêtez qu'à Luxembourg. » Enfin, nous partons. Les relais succèdent rapidement jusqu'à Meaux. C'est à Meaux aussi que Derneval devait prendre des chevaux de poste. C'était là qu'il avait promis de m'attendre un quart d'heure. Je demande si l'on a vu 3 jeunes gens suivis de 3 domestiques. On me répond qu'ils sont partis depuis une demi-heure. Même question, même réponse à Saint-Jean les deux jumeaux, à La Ferté sous Jonard, à Montreuil au Lion, Derneval avait toujours une demi-heure sur moi. Monsieur du Portail, étonné de m'entendre multiplier les questions et de me voir prodiguer l'argent, me demande quel intérêt si vif je prends à ces jeunes gens. « Monsieur, ce sont 3 frères qui ce matin ont eu comme nous une affaire d'honneur. Il faut absolument que je les joigne. Je vous en prie, courons à franc étrier. » « Mais, mon ami, » Si nous laissons notre chaise, il faudra peut-être faire le reste de la route à cheval. Ah, je ne crains pas la fatigue. Et moi, Faublas, j'y suis accoutumé. À Vivray, nous laissons notre chaise et Jasmin. Nous montons à cheval. D'Erneval était bien servi. Nous ne le joignons qu'à une demi-lieue au-dessous de Dormans. Sophie pousse un cri de joie dès qu'elle m'aperçoit. Elle se jette à la portière. Elle me tend les bras. « Chère épouse, chère amie, modère l'excès de ta tendresse. Elle te trahirait. Monsieur de Portail me suit. Songe que tu es le frère de D'Erneval. » Pour Rabinson, D'Erneval descendit, salua Monsieur du Portail, le pria d'excuser ses frères qui ne se montraient pas et nous dit « Comme il est intéressant qu'on perde nos traces, si par hasard on nous poursuit sur cette route, j'ai pris des précautions que sans doute vous approuverez. À 2000 au-dessous des Pernets, nous renverrons les chevaux qu'on nous aura fournis à la poste prochaine pour en prendre de meilleurs qu'un de mes amis, prévenu depuis plusieurs jours, a sûrement fait préparer. Un chemin de traverse nous conduira à Jalon par un détour qui n'est pas très long. Des relais en nombre suffisant doivent être posés sur la route jusqu'à Saint-Méchou où nous reprendrons la poste. Mais, messieurs, quand j'ai pris ces mesures pour assurer ma fuite, je ne comptais pas sur vous. Démonter mes gens pour vous donner leurs chevaux, ce serait fort inconsidérément affaiblir notre escorte. Heureusement, ma chaise est grande et commode. Vous voudrez bien y monter tous deux. Et moi, je me charge de la mener. Je serai votre postillon. » Monsieur de Portail se fit presser et finit par accepter. Tout se passa comme D'Erneval nous l'avait fait espérer. Nous trouvâmes un relais à quelque distance des Pernets. Quelle émotion j'éprouvais quand je me vis placé dans la chaise de poste vis-à-vis de ma Sophie. Sophie paraissait dormir, mais de mes genoux je pressais les siens qui répondaient à ce doux appel, et quelques soupirs à peine étouffés m'annonçaient encore que ma jolie cousine veillait pour son amant. « Ces deux jeunes gens sont les frères de M. D'Erneval ?» me dit Lovzinski, très étonné. « Il l'assure, au moins. » M. du Portail ne me fiait pas alors d'autres questions. Je remarquais seulement qu'il ne regarda plus Dorothée et qu'il ne cessait de considérer ma Sophie, qui, plus tranquille depuis que j'étais près d'elle, s'endormit réellement en feignant de dormir. Après une demi-heure de silence, M. de Portail me dit qu'il ne croyait pas être avec les frères de D'Erneval. Je répondis tranquillement, « Ni moi non plus. »« Comment ? » vous me disiez. « Oui, parce qu'il me l'avait dit. Je ne connais pas ses frères, moi. » « Eh bien, Faublas, il y a du louche dans cette aventure. »« Ma foi, je le crois. »« Faublas, ce sont des femmes déguisées. » D'honneur, monsieur, je le parierai comme vous. » Monsieur du Portail se tut, et pendant un quart d'heure encore, il regarda ma Sophie avec une attention toujours plus marquée. Enfin, il me montra Dorothée et me dit « Celle-ci est jolie, mais celle-là ?» Il me montrait ma jolie cousine et ses yeux s'animaient. « Et mieux, n'est-il pas vrai ?»« Beaucoup mieux. Et puis sa figure ?» La voix de Monsieur du Portail s'altérait. « Et charmante, qu'en dites-vous ? » ?»« Oh oui, charmante, sa figure. » Il poussa un long soupir et n'acheva pas. Les yeux toujours attachés sur mon amante, Monsieur du Portail resta plongé dans une profonde rêverie jusqu'au moment de notre arrivée à Saint-Manchou. Là, tandis que le maître de poste faisait atteler et tâchait de persuader à nos gens que Séros était d'excellents chevaux, Monsieur du Portail aborda D'Erneval et d'un ton préoccupé, lui demanda si les deux dames qui dormaient encore dans la chaise étaient ses parentes. « Puisque leur déguisement n'a pu vous tromper, » répondit D'Erneval, étonné comme moi de cette question au moins indiscrète, « il faut vous dire, monsieur, que l'une est ma femme et l'autre, ma sœur, » ajouta-t-il en me regardant. « Votre sœur, laquelle des deux, monsieur ?» reprit monsieur du Portail. « Celle qui est de ce côté-ci. » D'Erneval montrait ma Sophie. « Monsieur, vous avez une sœur bien intéressante, sa figure. »« Monsieur, je vous félicite d'avoir une telle sœur. » Ma surprise augmentait à chaque mot que disait monsieur du Portail. Je ne sais s'il s'en aperçut, mais il me tira un moment à l'écart et me dit « Faublas, admirez le pouvoir prodigieux d'une grande passion qui survit à son objet. L'aimable sœur de D'Erneval m'intéresse singulièrement, et savez-vous pourquoi ? C'est qu'en la voyant, j'ai cru revoir l'épouse que je pleure tous les jours. Oui, mon cher Faublas, au premier coup d'œil, je me suis dit « Voilà le Doïska, Je me le suis dit encore lorsque je détaillais avec plus d'attention tous les traits de cette figure à la fois belle et jolie. Oui, mon ami, elle vous aurait paru la fille de Pulowski lorsque, sous des habits d'homme, elle fuyait avec son père et son époux les Russes persécuteurs. Un peu moins jeune, mais non moins belle était alors Lodoïska. Lodoïska tout entière respire dans cette charmante personne. Cependant, on n'attendait plus que nous. Le jour baissait, nous courûmes toute la nuit. Le lendemain, à 8 heures du matin, nous entrâmes dans Luxembourg. Nous descendîmes à la première auberge. Pendant la courte collation que nous y fîmes, M. Duportail prodigua à ma jolie cousine les compliments les plus flatteurs. Il ne sentit qu'il avait besoin de repos qu'au moment où nos amis, fatigués d'un voyage si long pour elle, témoignèrent le désir de se retirer. D'Erneval s'était occupé avec l'hôte de nous faire préparer 4 chambres, une pour les 2 dames, les 2 nôtres contiguës à la leur, celle de M. Duportail tout au fond du corridor. D'Erneval prit la main de Dorothée. Lovzinski, plus prompt que moi, s'empara de celle de Sophie. Il conduisit mon amante jusqu'à la porte de la chambre préparée par elle et soupira en se retirant dans celle qu'on avait réservée pour lui. Dès que nous le crûmes endormi, D'Erneval et moi nous entrâmes dans la chambre de nos épouses. Dorothée venait de se mettre au lit. Sophie, encore habillée, écoutait en pleurant quelques mots de consolation que lui adressait son ami. D'Erneval me dit tout bas de l'emmener. « Viens, ma Sophie, viens. Laissons ces amants ensemble. Ils ont comme nous 1000 choses à se dire. » Je la pris dans mes bras et la portai dans ma chambre. Quel doux fardeau pour un amant. « Cher amant, s'écria Sophie, cher époux, mon repentir t'offense, mes remords t'outragent. Eh bien, pardonne-moi mes remords et mon repentir. Bah, bah, dans ce moment même où ma conscience alarmée gémit, ah, je le sens bien, ma raison égarée, ma faible raison cède encore à ma passion fatale. » Sophie se jeta dans mes bras. Un même lit nous reçut tous deux. Il était plus de midi quand nous nous endormîmes. Un bruit affreux nous réveilla quelques heures après. « Ne vous en avisez pas, » criait D'Erneval, « je brûle la cervelle à quiconque ose entrer ici. » Au moment même, on m'ordonne d'ouvrir ma porte. J'entends, avec autant de surprise que d'effroi, la voix de mon père. Sophie, tremblante, se cache sous la couverture. Je m'habille à la hâte et très négligemment. J'ouvre ma porte. M. Duportail entre avec le baron de Faublas. « Vos indignes projets sont donc remplis, » me dit celui-ci. « Vous avez donc osé. » À l'instant même, ceux qui frappaient à la porte de D'Erneval entrent dans ma chambre. Je reconnais Madame Munich. « Le voilà, c'est lui, » dit-elle à un vieillard qui la suit. L'inconnu m'appelle infâme ravisseur et met l'épée à la main. Je saute sur la mienne, je m'écrie. « Quel est donc cet insolent étranger ?» Le baron m'arrête, il me dit. « Malheureux, c'est un père qui vient chercher sa fille à Paris, le jour même que vous l'enlevez. »« Quoi ? Monsieur Serret ?» Le vieillard m'interrompit. « Je suis le baron de Gorlitz. » À ce nom, Sophie jette un cri terrible. Elle écarte la couverture et les rideaux, se soulève avec effort, étend les bras vers son père et s'évanouit. « Ainsi le crime est consommé, » s'écrie Monsieur de Gorlitz à la vue de Sophie presque nue. Monsieur Duportail a peine à retenir mon père qui m'accable de reproches. Le baron de Gorlitz me prie de me mettre en garde. « Tu as déshonoré ma vieillesse, vil séducteur. Je veux me venger ou mourir. » Il dirige vers moi la pointe de son épée. Je jette la mienne à ses pieds. « Frappez. Je ne me défendrai pas contre le père de Sophie. Mais plaignez votre fille. Écoutez-moi. Écoutez sa justification. Sophie se meurt. Secourons-la. » « La secourir, » répond M. de Gorlitz, « que 100 coups mortels me vengent et la punissent. » Il court à sa fille l'épée haute. Je me précipite sur lui, je le saisis au corps. « Barbare, prends ma vie, mais garde-toi d'approcher de Sophie. Je la défendrai même contre son père. » « Monsieur, daignez m'entendre. Votre fille est innocente, c'est moi qui l'ai perdue. Je suis seul coupable. » Tandis que je m'efforce de fléchir M. de Gorlitz, tandis que M. Duportail essaye de calmer les fureurs de mon père, Madame Munich prodigue à ma Sophie des secours inutiles. Sophie vient de pousser un long soupir et d'ouvrir les yeux, mais en voyant ceux qui l'environnent, elle est tombée dans un évanouissement plus profond. Cependant, M. de Gorlitz s'est assis. Aux emportements de sa colère a succédé tout à coup un calme apparent. Il garde un effrayant silence. D'un œil sec, il contemple tour à tour mon père, sa fille et moi. Mon père s'approche et tâche de le consoler. Je vois la Sophie, que Mme Munich veut rappeler à la vie. M. Duportail est au cheval de son lit. Il n'a pas l'air moins ému, moins agité, moins tremblant que moi. En un instant, je répète 100 fois le nom de mon amante. À ma voix, elle ouvre un œil mourant. « Hélas, tu m'as perdu, » me dit-elle, et ce reproche trop mérité augmente pour moi l'horreur de cet affreux moment. Mon père continue de dire à M. de Gorlitz ce qu'il croit le plus propre à calmer sa douleur. Celui-ci l'interrompt sans cesse par cette exclamation si cruelle. « Elle n'est point ma fille. » M. Duportail, ému. « Elle n'est pas votre fille. Connaissez-vous ses parents ?» Le baron de Gorlitz. « J'aurais pu les découvrir sans doute. Je ne les ai point cherchés. C'est un crime dont le ciel ne permet pas que je recueille le fruit. » M. Duportail, vivement. « Monsieur !» Le baron de Gorlitz, avec humeur. « Monsieur, daignez me donner un moment d'attention. » Qu'on se figure l'inquiétude que j'éprouve pendant cette étrange explication. Sophie voudrait parler. Sa faiblesse ne le lui permet pas, mais elle écoute péniblement. Son visage se couvre d'une pâleur mortelle. Une sueur froide coule sur son front décoloré. « Messieurs, » continua le baron de Gorlitz, « j'ai passé ma vie au milieu des armes. En 1771, je servais dans les armées russes. Nous faisions la guerre à des Polonais révoltés. » Monsieur Duportail, « à des Polonais, en 1771 ?» Le baron de Gorlitz, « oui, monsieur, mais vous m'interrompez à chaque instant. Après une sanglante victoire emportée sur eux, je ne demandais pour ma portion d'un butin considérable qu'un enfant alors âgé de 2 ans à peu près. » Monsieur Duportail, se levant et courant vers Sophie, « ah, ma chère Dorliska !» Le baron de Gorlitz, le retenant, « Dorliska !» C'est le nom que j'ai trouvé écrit au bas d'une miniature attachée sur sa poitrine. Monsieur Duportail tire promptement un portrait de sa poche. « Monsieur, voilà le pareil portrait. Oh, ma fille, ma chère fille !» Le baron de Gorlitz, le retenant encore. « Votre fille, monsieur, quelles sont les armes de votre maison ?» Monsieur Duportail montre son cachet. « Les voilà. » Le baron de Gorlitz. « C'est cela même, elle les porte gravées sous l'aisselle. » Sophie pousse un cri. Recueille ses forces, tend les bras à M. Duportail. Lozginski l'embrasse et pleure. « Ah, ma chère fille, tu m'es enfin rendue. Mais hélas, en quel lieu, dans quel état je te trouve? Quelle amère douleur empoisonne le moment le plus heureux de ma vie !» M. Duportail se jette dans un fauteuil. Sa fille éperdue oublie qu'elle est presque nue. Elle se précipite hors de son lit et tombe aux pieds de son père. Madame Munich, attentive, saisit la courte pointe dont elle enveloppe Sophie. Celle-ci s'écrie. « Ah, vous êtes mon père. Mon cœur me le dit. Votre générosité me le prouve. Vous daignez reconnaître une fille indigne de vous. » Sophie tient une de ses mains. Je m'empare de l'autre. Je me jette aux genoux de Lobzinski. « Monsieur, votre douleur me tue. Votre fille est innocente. Votre fille, si vous saviez dans quel piège elle fut attirée, combien de temps elle résista à la séduction? Par combien de combats elle m'a fait acheter ma coupable victoire? Lobzinski, ne soyez pas inexorable, ayez pitié de notre âge, excusez-la. Pardonnez-moi, d'un mot, vous pouvez réparer nos erreurs et légitimer nos faiblesses. Conduisez-nous au pied des autels, là, je répéterai les serments qui m'unissent à ma Sophie, là, vous retrouverez votre Dorliska. » Mon père joint ses prières aux miennes. M. Duportail paraît ému, il se tait pourtant, mais on voit qu'il médite sa réponse. Enfin, il embrasse sa fille avec un mouvement passionné. Il me regarde, sans colère, et d'un ton calme, il demande que tout le monde se retire, qu'on le laisse passer le reste de la soirée avec sa fille. Le lendemain, j'épousai Dorliska.